couleur locale. 30 minutes pour découvrir les artistes de votre région. Vous écoutez Couleur Locale, vous êtes sur Fudget à Nancy, au 94.2 sur Fudget.net et en DAB+, pour votre demi-heure avec les artistes de la région. Coucou si vous nous écoutez à Nancy, évidemment, si vous nous écoutez à Metz-Bar-le-Duc, vos couleurs, c'est en Meuse et bienvenue pour cette demi-heure qui réchauffe vos cœurs et vos âmes, votre âme de mélomane. Pierre au micro, comme d'habitude, depuis maintenant 8 ans, prêt à vous servir le meilleur de ce qui se fait dans notre belle scène Lorraine, parce qu'il faut dire qu'on a quand même pas mal de beaux artistes. On est sur les réseaux sociaux, Fadjet-6 couleur locale, n'hésitez pas à vous abonner directement pour pouvoir réagir pendant l'émission. Et puis nous sommes également depuis un mois sur Instagram. Alors je suis pas très Instagrammeur, mais il paraît que maintenant la jeunesse va sur Instagram. Alors si tu es la jeunesse et que tu nous écoutes, va lâcher un like, mets un pouce sur les photos. Évidemment, je fais toujours le show, c'est un peu ma personnalité narcissique, mais comme vous le savez, je ne suis pas la star de l'émission, les stars de l'émission, eh bien, ce sont les invités que je reçois. Et là, je vous propose de partir très loin. On va imaginer des pyramides en Égypte et on va imaginer en haut de ces pyramides une espèce de platane avec une batterie, une guitare électrique et une musique rock'n'roll et solaire, puisqu'on parle bien de soleil aujourd'hui avec le duo Les Rats. Nous sommes avec Richard. Bonjour Richard. Bonjour Pierre. Ça va ? Eh oui, et toi ? Ben ça va. Et toi ? Eh ben écoute, on va la faire comme ça longtemps. Pendant une demi-heure. Ça va et toi ? Richard, donc tu es le batteur, le chanteur et également à l'origine des textes. C'est ça. Oh ouais, on essaie de cumuler les mandats. Ouais. C'est un cumul de mandats. On parlera pas politique, mais on pourrait faire plein de blagues sur ce qui va arriver dans les prochains mois. Mais restons dans le présent avec la musique. Et nous sommes avec Teddy. Bonjour Teddy. Bonjour Pierre. Tu peux la refaire ? Ah, bonjour Pierre. Bonjour Pierre. Tu peux la refaire ? Bonjour Pierre. Ah, c'est, je m'entends mieux. C'est beaucoup mieux même. C'est peut-être pour ça qu'on m'a fait la remarque quelques temps avant l'enregistrement que souvent on n'entendait pas les gens qui sont dans mes émissions. Et c'est parce que je suis un bolos. Non, mais j'ai l'habitude d'habiter dans le placard. Moi, c'est pas un problème. nous sommes avec Teddy. Donc Teddy, toi, tu es à la guitare et à la guitare basse. Alors oui, on peut dire ça comme ça. Je fais par intermittence le guitariste soliste, le guitariste rythmique et le bassiste. Trois corps en un. Mais ça, par contre, sur scène, tu peux pas faire la guitare et la guitare basse en même temps. Si, justement, c'est ça la magie. Ah, c'est ça la magie. Avec une seule guitare. Avec une seule guitare. Une seule guitare, tu fais les deux choses en même temps. Et même les trois choses en même temps. Je peux me permettre de me faire des solos pendant le ripping qui soit derrière. Wow, t'es un looper. Exactement. Ah là là là là là là. Bon, on va pas rentrer dans des conditions très techniques pour les auditeurs qui ont rien à foutre en fait. On va juste présenter votre projet. C'est un duo qui a été créé récemment, puisqu'on parle de 2024. Ouais, fin 2024, oui, c'est ça. Et qui est issu d'un groupe qui a peu roulé sa bosse, qui s'appelle. Qui a beaucoup roulé sa bosse. Les Rogmen. Les Rogmen, c'est ça. En 1991, ouais. Quoi. Ouais. Teddy était pas né. Eh ben non. Si, justement, c'est l'année où je suis né. C'est l'année où tu es né. C'est vraiment l'année où je suis né. Team 91. Et donc, du coup, c'est un groupe qui a évolué. Et puis. Par péricliter, parce que, oui, alors j'utilise parfois des termes assez particuliers. Péricliter, donc, par arrêter ça. Soit péricliter. Oui, parce que bon, on était arrivé au bout de nos projets, je pense. Nous étions quatre, hein, nous étions quatre. Deux sur les quatre ne souhaitaient plus du tout faire de live. Et nous, c'est notre moteur, c'est notre carburant avec Teddy. C'est même notre énergie. L'énergie du live. Les musiciens aiment le studio. Alors, pas tous, mais surtout, ce qu'on aime, c'est quand même le live, quoi. C'est déchaîner. Ah ouais, partager, envoyer son énergie, essayer de la faire comprendre ce qu'on fait et surtout pouvoir discuter avec les gens après, voir si c'est ce qu'on fait, c'est entendable. S'ils ont aimé, s'ils ont pas aimé. Exactement, le but c'est surtout transmettre une émotion, transmettre une énergie aux gens et qu'on ait ça en retour. Et ça, c'est un couple gagnant. Une énergie solaire, pourquoi les rats ? Alors déjà, il y avait Rogmen. Ouais, bah écoute, voilà, faut pas chercher très très loin pas des très fois. Très loin. Parce que quand tu fais la moitié d'un groupe qui s'appelle les Rogmen, ça devient les rats. Ouais. Et en fait, ça me plaisait bien. Voilà. Je me suis dit, tiens, les rats, mais pourquoi pas ? Mais ça, pas RATS, bien sûr, parce que c'était déjà fait, c'était plutôt des. R-A, accent circonflexe, comme le dieu. Les punks, ouais, c'est ça. égyptien du soleil, entre autres, puisque les dieux dans les panthéons avaient plein de casquettes. Et dis-moi comment tu te présentes sur une bio et je te dirai qui tu es. Je vous propose de vous lire la bio que tu m'as envoyée. Et vous commenterez en me disant est-ce que ça correspond. Mais bon, tu l'as écrit. Alors. Je l'ai écrit, mais Teddy l'a pas entendu ni vu. Teddy l'a pas entendu. Alors. Ah, ça va être la surprise. Alors du coup, je vais faire du bon travail. Les compositions se font à deux, avec des lignes musicales simples sorties tout droit de l'esprit de Richard, qui chantonne ses idées ou les sifflote. Charge à Teddy, ensuite, ce n'était pas écrit ensuite, mais j'aime bien ce terme, de créer la partie guitare et d'y apporter sa signature, les morceaux prenant forme au fur et à mesure des répétitions. De nombreux morceaux sont des compositions créées sous les ragmen, remises à la sauce des rats, la moitié des ragmen. C'était pas écrit non plus comme ça. Les textes sont de Richard, tantôt en anglais et tantôt en français, le français permettant d'obtenir des textes plus riches, mais étant plus difficiles à manier que l'anglais. Quelle belle écriture et quelle belle interprétation aussi de votre serviteur. Oui, bravo. Bravo. Non, bravo, Pierre. Merci, incroyable. Bravo, incroyable. Je me suis cru au XVIIe siècle, il manquait le clavecin et tout. Là, c'était génial ici. Mais Pierre a en plus, a comment dire, une coiffure qui pourrait permettre ramener à l'époque des rois. Il pourrait même avoir l'aura de ça. Je pourrais avoir l'aura du rat. Incroyable. Alors, si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous avez sorti des morceaux qui sont disponibles sur votre chaîne YouTube. On va pouvoir en écouter trois. Oui. Ce que je vous proposerai de faire dans quelques instants. Qui on peut remercier pour l'enregistrement de ces morceaux, parce qu'il y a des gens. Oui, vas-y, Teddy. Alors, on peut déjà remercier Antoine Serret, parce que c'est grâce à lui qu'on a pu enregistrer avec le label Record. Ok. Lionel aussi, Constantin, qui a permis justement aussi, plus ou moins, nous faire justement découvrir nos morceaux à nous. Et puis après, Richard, parce que c'est quand même Richard qui a fait le compte YouTube et qui a fait en sorte qu'on commence à un peu sortir de notre petite chambre. Okay. Ouais, aller petit à petit vers le jardin. Univers de chambre. On faisait de la musique de chambre, mais on a décidé de sortir un petit peu. Et de faire du rock and roll. C'est ça, parce que moi, je détermine, je ne sais pas comment on peut dire, je qualifie de hard rock pop, comment j'ai dit ça, hard pop rock. Oui, du hard pop rock. Hard pop rock. Ah, c'est rigolo. C'est intéressant, ouais. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas forcément les étiquettes, mais moi j'aime bien quand on essaye de définir un peu. Bah ouais. Donc hard pop rock, ce serait quoi, c'est la pop rock? Ben, pop rock, c'est du rock un peu accessible, un peu épuré, mais faite version hard. Avec un peu des riffs guitare un peu plus comment dire, tu vois, avec les un parties génitales un peu plus... un peu plus grosses. Gonflées, voilà, un ouais. Vous écoutez Couleur Locale, vous y êtes bien. Restez-y, que vous nous écoutiez samedi 13h, dimanche à midi. Bon appétit. N'hésitez pas à suivre les RAS sur YouTube et également sur Facebook. Sur Facebook, les LES, RAS, R-A, accent chapeau. Ça, voilà, chapeau. C'est comme quand t'es à l'école, t'es sur un chapeau. Non, c'est un accent bien complexe. Je reviens sur les étiquettes. J'aime bien ce que tu as fait, art pop rock, le fait de réfléchir à une étiquette un peu plus précise, d'essayer de définir son esthétique, parce que ça permet de ne pas se sentir piégé. Parce que parfois, on se sent piégé quand on reste dans des styles, alors vaut mieux créer le sien. Et c'est marrant, dis donc. Eh oui. C'est qu'on va écouter un morceau qui s'appelle Piégé. Alors, ça parle de quoi, piégé? Pas d'étiquette, j'imagine, mais... Ça parle... En général, quand j'écris une chanson, c'est en fonction de mon... Humeur du moment. Je pense que c'est un peu beaucoup... c'est souvent le cas pour beaucoup d'auteurs. Et Piégé, elle a déjà quelques temps. Ça parle un peu de notre société, de la façon dont on y est plus ou moins imbriqué, dont on est plus ou moins prisonnier. Voilà, c'est ça l'idée. Ok. Eh ben on va en parler, mais je vous promets qu'on va pas être en prison. Là, vous allez pouvoir bouger la tête, c'est piégé du duo Les Rats sur Fadjet dans Couleur Locale. Malgré tous mes efforts, je crois que je vais tout casser. j'espérais avoir gagné ma place à Tchekoché. Aujourd'hui je suis blessé et parfois même atterré. Je n'ose plus penser, j'ai peur d'exister. Piégé du groupe Lera sur Fadjet dans Couleur Locale. Si vous nous rejoignez à l'instant et que vous avez raté le début de l'émission, que vous êtes en train l'émission, pas de panique, vous pourrez nous retrouver sur mon Spotify. Pierre Merciol, Radio Fadjet, dès dimanche à 18h, si je n'oublie pas de mettre dimanche à 18h. Nous sommes avec Teddy. Oui, je suis toujours là. Et il est toujours là, et avec Richard du duo Lera. Son acolyte. Son acolyte, Richard, donc du coup, à la batterie, au chant et à l'écriture des textes, et Teddy, guitare électrique, soliste et rythmique, et basse, il fait les trois en même temps, puisqu'il a un looper. Mmh. Yeah. Alors, est-ce qu'on pourrait expliquer quand même aux auditeurs de façon très simple et facile ce qu'est un looper ? En gros, un looper, en gros, pour faire simple, c'est on enregistre une partie du morceau qui tourne en boucle, et par-dessus de cette boucle, je peux improviser diverses notes, diverses chants, diverses mélodies, on va dire. Ok. Et t'arrives, ça m'intéresse parce que le guitariste qui joue, il en a un aussi, ça t'arrive jusqu'à combien de pistes tu peux arriver en même temps avec ton looper ? Il y a une limite quand même. Alors, je pense qu'il y a une limite, mais après, je pense que ça sature très vite. Donc, vu que tout reste sur une seule piste, à mon avis, c'est dès qu'on sent la saturation... Ça va faire bizarre après. Oui. C'est vachement intéressant. Alors du coup, je crois qu'on a un peu répondu à cette question, mais vu que tu as un looper et que tu as un peu double casquette, comme on disait, on a tous plusieurs casquettes ici, pourquoi ce choix de rester en duo comme ça et d'utiliser un looper avec partie basse, partie guitare, et pourquoi pas avoir été finalement un trio avec un troisième luron, Richard ? Ouais, c'est vrai, on peut se poser la question. On sortait d'un groupe qui était composé de 4 personnes, donc 2 guitaristes, un bassiste, un batteur, je dirais une formation conventionnelle, et on s'est dit que comme on veut faire un petit peu de concert dans les endroits un peu reclus, si tu veux, où il n'y a pas beaucoup de place, ouais. On s'est dit qu'à deux déjà, on se verrait plus facilement. Ouais. Pour les répétitions, c'est plus facile à caler. Et puis, le manque de place, souvent, fait que deux, c'est plus facile à caser. Voilà, c'est on sûr. S'est dit ça. Et puis, c'était un concept aussi. Ouais, c'est une façon de voir ouais, ça. En tout cas, c'est vachement intéressant. Ça. Bah, j'imagine que dans l'enregistrement, tu as enregistré une basse séparément. Non, pas du tout. Ah non ? Non, non. Tu l'as fait avec le looper aussi ? Ouais, le looper, tout. On tout, est en tout, live. C'est un enregistrement live. Okay. Ouais, ouais. Ouais, tout, j'ai fait en live. Franchement, c'est. On ne voit pas la différence. Bon, après, il y a eu du mixage. Ah oui, mais il y a énormément de travail. Même, ouais. Même niveau mixage, il a mixé sur une seule piste. Ok. Oui, oui, oui. Il a juste rajouté une piste pour une autre guitare pour gonfler certains passages. Mais sinon, la guitare et la basse en lui-même sont sur une seule piste. Okay. Pour l'anecdote, les effets voix sont gérés à mon niveau. C'est-à-dire que j'ai un boîtier, un tout petit boîtier d'effets voix qui est super. Ok. Donc, je le gère à la pédale à côté de ma Charleston. Et quand je veux balancer un effet voix particulier, voilà, je clique sur ma petite pédale. Sur les pédales. Ok, incroyable. Donc finalement, ouais, c'est un... On part souvent d'homme orchestre, mais là c'est un duo orchestre. On n'est pas Rémi Brica non plus. En tout cas, vous pouvez faire pas mal de choses en étant un deux. Je l'ai dit en antenne et je tiens à le redire, mais moi je trouve ça incroyable les batteurs-chanteurs. Parce que j'imagine la complexité que ça doit être. La batterie, c'est déjà en jeu quand même. Ça court les pas mains. Des rues déjà. Ça court pas les rues, les mains, les pieds, maîtriser le tempo dans la tête, mais en même temps chanter. Puis j'imagine que des fois, on va pas rentrer dans du jargon technique, mais des fois on va pas, c'est pas cadencé comme ça. Enfin, des fois tu reprends ce que tu veux dire. Tu vois ce que tu reprends une phrase au et du 3. Ton phrasé est pas en même temps que le phrasé batterie. Tu vas reprendre ta phrase au et du 3, mais derrière t'as déjà commencé à faire. C'est incroyable. Comment t'as travaillé ça du coup? Écoute, c'était plutôt une obligation qu'un choix. C'est-à-dire que j'étais dans un groupe à l'époque où encore un groupe conventionnel où il y avait guitariste, chanteur, batteur et moi je faisais des chœurs simplement. Ouais. Et le chanteur est parti. Il est parti, tu vois, nous on s'appelle les rats. Lui est parti voir les étoiles dans le sud. Okay. Parce que il faut savoir que le ciel est plus propice pour cela dans le sud. Okay. Moins de pollution lumineuse. Et il nous a lâchés. On a fait des essais. On a tenté de trouver des chanteurs. On en a essayé 3, 4, 5, 6. Et ça n'allait pas. Ça n'allait pas, et j'ai dit, on va continuer à bosser quand même. Et j'ai pris le chant juste comme ça pour voir. Alors, au début, oui, c'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire que tu chantes en même temps que le rythme. Donc, c'est pas terrible. Et puis, c'est comme tout. Au fur et à mesure, avec le temps, tu finis par, ton cerveau finit par faire la différence entre les deux, créer une espèce d'automatisme pour d'un côté la batterie qui nécessite elle-même déjà de l'indépendance les jambes et les bras et les mains, si tu veux. Donc c'est une deuxième indépendance à générer. Parlons un peu influence, ça j'aime bien, influence, aspiration, et puis sans dénigrer qui que ce soit, hein, on a quand même une différence d'âge ici, c'est un groupe intergénérationnel, je ne savais pas comment te placer sans petit cochon. Pour faire simple, c'est papa et fils. C'est papa et fils. Ouais, c'est ça. On a un groupe, c'est un groupe intergénérationnel, et moi je trouve ça intéressant parce qu'à l'heure où on parle du vivre ensemble, eh bien, le fait de se retrouver autour d'un projet commun, autour de la musique, alors qu'on a une différence d'âge, une différence de génération, d'arriver à proposer quelque chose qui vous fasse kiffer, qui a une esthétique et tout, et ben c'est super cool. Donc déjà ça je tenais à le dire pour C'est cool. Tu vois, j'ai 60 ans bientôt et Teddy en a 35, voilà. Quasiment le double. Alors du coup, est-ce que il y a des influences croisées, est-ce que vous retrouvez sur certains groupes, certains artistes? Peut-être, mais on a quand même en général des goûts différents, je pense. On est complètement différents, mais en fait moi ça sera, comment je dirais, en fait moi je définis la musique au sens large où c'est l'émotion de la musique en question, quel que soit le genre, qui va me faire vibrer en fait. Donc ça peut être très bien de l'hard rock, la CDC, comme du funk, les Good and the Gain, comme de la country, évidemment. En fait, moi, c'est comment le son me fait vibrer, en fait. Et quelle émotion, quelle énergie ressort, en fait. Incroyable. Pareil pour toi, Richard ? Non, dans l'idée. Mais par contre, le style, non, pas du tout. Moi, c'est vrai que c'est bizarre. Je suis quand même assez punk quand je fais le bilan de ce que j'écoute. Enfin, punk, il y a différents types de punk aussi. Mais tu vois, j'adore Pixie, j'adore Frank Black. Il y a des trucs qui arrachent vraiment, que j'adore. Mais ça se ressent pas spécialement dans ma musique. Ah, il y a une petite vibe dans la voix, je trouve. C'est étonnant, ça. Ok. Les Rats, le duo Les Rats avec Richard et Teddy. On rappelle, vous êtes sur YouTube, sur Facebook. Les Rats, L-E-S, plus loin, R-A. Accent circonflexe, et donc on vous invite, chers auditeurs, à aimer à la page Facebook, à suivre, à écouter sur YouTube, parce que c'est vachement sympa. Et vous avez c'est un mélange intergénérationnel. Chacun a un peu expliqué sa façon de ressentir, de voir la musique. Et j'ai envie de vous passer un message, chers auditeurs, et à vous aussi, c'est qu'on a tous une façon différente de ressentir, de voir la musique, et c'est pas grave. Et il n'y a personne qui a raison ou qui a tort. J'ai même envie de dire, ne vous sentez pas coupable de ressentir la musique. Non, au contraire, il faut que ça soit prescrit. C'est une excellente thérapie. Not guilty, my friend. Alors, c'est une excellente thérapie. Et Richard, je ne suis pas sûr qu'il ait... Le morceau qu'on va écouter s'appelle Not Guilty. Ah, mais c'est un plaisir non coupable. C'est un plaisir non coupable. Vous avez vu la transition ? C'est beau. Hein ? Alors, Not Guilty, ça parle de quoi ? Je m'adressais à ma femme, je pense. Ouais. Ah, okay. Ça paraît pas comme ça, hein, mais okay. En gros, mais elle va être contente si elle écoute. Alors Pierre, je te rassure, je suis en direct, je découvre en même temps que toi. En fait, c'est le mec qui dit que il est pas coupable parce que quoi qu'il fasse, il veut rencontrer des amis, ça va pas. Sa femme lui dit qu'elle est malade. Il reçoit un coup de fil, sa femme lui pose des questions, lui dit mais qui est à l'appareil? Il faut surtout pas qu'il embrasse quelqu'un parce que sinon ça peut prêter à confusion ou porter okay. à confusion, pardon. C'est un peu ça l'idée. Tu vois comme okay. quoi des fois un tout petit truc tout simple, tu peux en faire une chanson. En faire une chanson. Ça c'est une belle phrase et on va se laisser là-dessus avant de se retrouver pour la suite à la fin de l'interview. On écoute Not Guilty du duo Les Rats. Tried to make me live in a presbytery. You're trying to have some fun, you make me feel ashamed. When I try to meet my friends, you say that you are sick. I just can't kiss a girl if I'm too solo. Someone calling on my cell. You ask immediately, who's calling me? I just can't make a step without you watching me. You think I have mistress in several countries. I'm not guilty. I'm not guilty. I'm not guilty. Not guilty. Les Rats et le titre Not Guilty, vous écoutez Fadjet Couleur Locale à Nancy au 94.2 sur Fadjet.net et en DAB+, le podcast dimanche à 18h sur mon Spotify, Pierre Mercier de Radio Fadjet, et puis tous les samedis à 13h et les dimanches à midi, c'est votre dose de bonheur et de bonne humeur. En musique, nous sommes toujours avec Teddy et Richard du duo Les Rats. Ça va toujours les gars? Ouais, ça va nickel. On tient le coup. Moi j'ai disparu. Oh, il a disparu, j'ai toujours des problèmes de micro. je suis revenu, j'étais sous la table. Il était sous la table. On parlera un peu de live, mais avant je vais te proposer un petit jeu, si tu veux bien, Richard. Oula. Je vais te donner deux situations. Oui. Et tu vas me dire laquelle t'inspirerait le plus l'écriture d'une chanson. Je D'accord. pense que ça s'y prête bien. Ah. Okay. Ok. Première situation. Tu es dans un train. Il est 18h, un mois de février. Le soleil commence à se coucher, tu l'observes par la vitre du train. Dans ce train, tes émotions sont mises à l'épreuve. Tu sens l'odeur du café de la personne derrière toi. Tu entends un bébé qui pleure au fond de la rame. Tu sais, cette espèce de pleur un peu lointain. Tu ressens le cliquetis des roues du train sur les rails. Et tout ça, pour une raison qui t'appartient, t'inspire l'écriture d'une chanson. Ou peut-être t'inspire un air que tu vas commencer à siffloter. Peut-être que c'est... Je sais pas, la mort, la vie, le changement, le trajet, la direction, le but, je ne sais pas. Tout ça t'appartient. Alors du coup, tu sors ton téléphone portable, ton dictaphone, ton papyrus, puisque tu joues dans Les Rats, et tu commences à noter... je suis trop fier de moi. Et tu commences à noter quelque chose. Et ou aucun des deux, ou les deux. Il est 3h du matin, Tu te réveilles, tu es dans ta chambre, dans ton lit, seul ou accompagné, ceci ne nous regarde pas. Tu te réveilles, t'es un peu dans la brume comme ça. T'as les rayons de la lune qui caressent doucement ton visage à travers le Velux ou la fenêtre, je ne sais pas. Es-tu propriétaire de ta maison individuelle ? Veux-tu installer des panneaux solaires ? Veux-tu un Velux ? Veux-tu un Velux ? T'as ce silence de la nuit, tandis que tu te réveilles, tu sais, vous savez, la nuit, le silence de la nuit, c'est pas vraiment un vrai silence, il se passe toujours un truc. Peut-être un petit renard qui glappe au fond d'un jardin perdu. Et t'as cette sensation étrange qu'il s'est passé quelque chose. Et pourquoi ? Parce que tu as fait ce rêve. C'était un rêve congru ou incongru. C'est une situation peut-être totalement loufoque ou quelque chose de peut-être totalement ordinaire. Et dans ce rêve, bah, cette situation-là, elle t'inspire quelque chose. Ou peut-être même que tu as rêvé d'une mélodie. Moi, ça m'arrive souvent. C'est incroyable quand tu rêves d'un truc qui n'existe pas ou que tu penses qu'il n'existe pas. Et donc, du coup, pareil, tu te redresses, tu prends ton papyrus qui est à terre, et puis tu commences à noter quelques mots. Qu'est-ce qui t'inspirerait le plus l'écriture d'une chanson ? La deuxième proposition. La deuxième proposition. Ouais, ouais, complètement. Ouais. Ce côté un peu magique de la nuit, avec en plus la lune, même si nous sommes les rats, c'est justement un rapport direct. C'est un rapport. Et ouais, plus là que la situation dans le train où là, il y a... En fait, j'ai plus de facilité à trouver des choses quand je suis dans un contexte plus calme, avec où je peux m'entendre. Okay. M'entendre réfléchir, si tu veux, ou entendre ce qui se passe un peu dans ce cerveau bizarre. Dans celle qui est le tien. Qui est le mien. Alors, c'est rigolo parce que souvent, la plupart des gens choisissent le train. Alors, du coup. Ah, tu vois, je suis bizarre. C'est une fois que je suis bizarre. Richard, batteur, chanteur et. Tu n'es qu'un mi-dieu, finalement. Tu es un demi-dieu. Mon dieu. Et écrivain, écrivain, oui, on peut dire ça, écrivain qui écrit les textes. Auteur, oui. Auteur pour, oui, oui. Pour le duo Les Rats. Parlons peu, parlons bien, parlons live. Est-ce qu'il y a des projets de faire des concerts ? Parce qu'on a quand même envie de vous voir, du coup. Eh bien, justement, c'est là où le bas blesse. C'est-à-dire qu'on avait décidé avec Teddy de travailler suffisamment pour ne pas se présenter devant les gens en ayant encore des faiblesses. Okay. Et malheureusement, les faiblesses, il en reste, même si elles disparaissent au fur et à mesure. Donc, il va falloir qu'on se décide à y aller, même avec quelques petites faiblesses. Oui, oui, oui. Là, on ne sera jamais parfait, de toute façon. Donc, oui, on va se lancer. Là, ça fait un an et demi qu'on travaille. Tu sais que les pyramides ne sont pas parfaites non plus. Hein. Ouais, les sûrement. Ils ont mis du temps à se créer. On ne fera pas de rappel historique sur comment elles se sont montées, parce que du coup, c'est un peu moins lumineux. À savoir, pour la petite fun fact marrante, fun fact, c'est pas marrant, c'est factuel, mais vous avez joué un concert jusqu'à présent. Ouais, un seul, parce que, en fait, j'ai été sollicité pour une soirée chez Paulette, une soirée privée, et c'est ma famille. Chez Paulette, c'est ma famille, et donc ils m'ont demandé si je pouvais me libérer pour un concert. On avait deux mois d'existence, même pas, mois d'existence avec, avec Teddy. C'était, j'étais très déçu. Moi, je suis persuadé que c'était pas mal. Les Rats, merci d'être venu participer à cette émission Couleur Locale. Merci à toi. Merci de nous avoir reçus. C'était un vrai, vrai, vrai plaisir. Plaisir partagé. On vous retrouve sur les réseaux sociaux Facebook, Les Rats, LES, plus loin, RA, accent circonflexe, et sur YouTube avec les morceaux qu'on a écouté, et on va pas se laisser comme ça avant la fin. Eh ben non. On va quand même finir. Alors avant la fin, c'est le dernier morceau. De quoi ça parle, pareil ? Je le mets un peu en fond, tandis que tu nous expliques. Bah écoute, j'explique un petit peu aux gens qui nous écoutent et qui nous comprennent que faut bouger, il faut pas attendre que tout soit fini pour se décider à faire quelque chose. Ok. Eh bien, bougez-vous, et en tout cas, bougez-vous en musique, sauf si vous êtes au volant de votre voiture. Attention, calmez-vous. Nous étions avec Teddy et Richard. Merci beaucoup du duo Les Rats. Et on se retrouve le week-end prochain sur Fadjet dans Couleur Locale. On se laisse avec le titre Avant la fin. À toi l'adulte de demain, tu enfin te prendre en main et faire que tout fiche bien dans un monde enfin serein. Before she DM, move before she DM. Move before she DM, move before she DM. Faut choisir le bon chemin, car en fait il n'y en a qu'un. Et les problèmes à la main. Sinon ce sera. n'attends pas que ce soit la fin. N'attends pas que ce soit la fin. Move before the shit here. Move before the shit here. N'attends pas que ce soit la fin. Move before the shit here. Move before the shit here.